Il faut travailler sur ce projet. C'est effectivement un projet sur lequel il faut travailler. Il faut insister sur ce point. C'est effectivement un point sur lequel il faut insister. Il faut penser à cette éventualité. C'est effectivement une éventualité à laquelle il faut penser. Il faut répondre à ces demandes. Ce sont effectivement des demandes auxquelles il faut répondre. Il faut se battre pour ses idées. Ce sont effectivement des idées pour lesquelles il faut se battre.